Le micro est ouvert, c'est à toi. Le micro est ouvert, c'est à toi. Oh. Quoi, moi, je me sens concerné. Bon, des fois, c'est... Parce que bon, souvent, on se dit... Par rapport à qui, à quoi? Moi, je dis mon avis, c'est ce que je pense, quoi. Personnellement, moi, ça me touche. Mais oui, mais... Enfin, je sais pas si... Non, ça, je suis d'accord, mais c'est le point de vue... Allez, ils disent, par exemple, si... Moi, je veux vous dire que... Bon, on dit... Non, en fait, moi, je voudrais poser la question... Mais, du coup... Moi, je pense, donc... Mais non, en fait, mais c'est vrai que c'est... Disons que... Et que voilà, quoi. Et je me dis que... Moi, je pense bêtement... Mais alors, j'en suis pas si sûr. Bah, ça dépend, enfin... Moi, je trouve, personnellement, moi, je suis... Je crois quand même que... Mais non, mais enfin, tout le monde... Non, disons... Enfin, je veux dire... Moi, je trouve... Je suis pas tellement d'accord à ce moment-là. Enfin, j'hésite entre les deux parce que d'un côté... Allez, go, c'est parti. Rencontre ici d'un antifasciste. C'est écrit sur son t-shirt noir avec des écritures rouges. Voilà, présentation. Alors voilà, moi c'est Nicolas. Je suis effectivement antifasciste, mais un peu plus que ça, parce que je pense que dans le cadre de la lutte contre l'extrême droite, on doit aller à la racine de ces problèmes-là. Cette racine, c'est le capitalisme, la manière dont un système qui est basé sur une minorité qui s'approprie les richesses a besoin de diviser la population, de trouver des boucs émissaires, que ce soit les immigrés, les homosexuels, les femmes. Enfin, il y a tout un tas de manœuvres qui sont faites pour pouvoir pointer des responsables qui sont en fait les victimes du système et pour masquer la responsabilité de cette élite qui nous dirige, cette minorité de spéculateurs, de gros actionnaires, etc. Donc je ne suis pas simplement antifasciste, je suis avant tout anticapitaliste, et même plus que ça, je suis socialiste, mais vraiment socialiste, c'est-à-dire rien à voir avec le PS qui trahit toutes les mobilisations des travailleurs et des pauvres depuis de nombreuses années aujourd'hui, et rien à voir non plus avec le stalinisme et les dictatures bureaucratiques qui ont pris place dans les pays de l'Est ou en Chine. Waouh, tu nous sers un paquet là C'est incroyable. Mais quand je dis... Ça... Bah oui, mais c'est énorme. Ben oui. Un gros bazar qui sort, je crois que j'ai pas tout retenu, enfin c'est un peu le truc habituel aussi. Ben maintenant ça dépend de tes questions et on peut aller en plus dans les détails sur tout un tas d'aspects. Donc, Non mais quand je dis présentation, qui tu es toi par exemple, ok t'es antifasciste, anticapitaliste, tu débarques un jour, parce qu'ici on est à Liège en fait, on le dit pas parce que ça se voit pas, mais en même temps on peut raconter ce qu'on veut, hein, mais ouais. On est à Liège, à une espèce de foire comme ça incroyable où tout le monde présente son magasin d'associations, de machins, de bazar. Il y en a un paquet en plus, et ici moi je m'arrête à votre stand, voilà, ça c'est... Voilà, donc effectivement, on est à Retrouvailles, donc c'est le week-end annuel de Retrouvailles des différentes associations liégeoises. Donc il y a à peu près 300 associations qui sont ici. Ça va du club d'échecs au club de taekwondo, en passant par des organisations politiques. Et effectivement, je suis militant de l'une d'elles. Ici, on est au stand de Résistance Internationale, qui est la campagne antiraciste et anticapitaliste du PSL, le Parti Socialiste de Lutte. Et qui je suis ? J'ai envie de dire que je suis ici avant tout pour défendre mes idées, donc c'est plutôt de ça que j'ai envie de parler. Je suis militant depuis une quinzaine d'années dans différents collectifs à la base, et là depuis une dizaine d'années maintenant dans cette organisation-ci. Et quoi, tu te retrouves bien toi dans les associations depuis une quinzaine d'années, mais tu as commencé à quel âge? Ben là j'ai 31 ans, donc j'ai commencé un peu jeune. Mais bon, ça a été un peu la période qui a donné naissance un peu plus tard au mouvement altermondialiste, etc. Donc j'ai commencé à me radicaliser tout seul dans mon coin parce que ce que je voyais à la télé et tout ça ne me convenait absolument pas et que je comprenais pas comment est-ce que une société qui a tellement de possibilités technologiques, tellement de possibilités scientifiques, finalement laissait place à autant de pauvreté, autant de misère, autant de guerre, autant d'oppression dans tous les sens. J'ai commencé à réfléchir là-dessus, ça m'a pris un petit bout de temps avant de commencer à trouver un peu des clés de compréhension et des solutions pour pouvoir agir et pas simplement râler dans mon coin. Je commençais un peu à aller à des manifestations, aller à des meetings, à participer à différents collectifs et chemin faisant, j'ai un peu affiné tout ça pour arriver là où je suis aujourd'hui. Justement, maman, j'entends bien ton parcours un peu, hein, genre dégoûté du système. Qu'est-ce que je peux faire pour moi être acteur et pas passif à râler dans mon coin? Et même là, tu as trouvé en parallèle, t'as eu réponse à tes questions. Parce que souvent, moi, c'est mon cas, je trouve que même dans les organisations, même dans les manifestations, je suis un peu désolée, dégoûtée un peu aussi de tout cet aspect-là. Qui quelque part, regarde ici, c'est un peu dommage. T'as votre stand, puis t'as le stand d'en face. Enfin, tout le monde fait son petit magasin alors qu'on... Non ? Ben, ça dépend. Il y a la question plus fondamentale qu'effectivement, il y a plein de gens qui... allez, et ça a été mon cas pendant très longtemps. Au bout d'un moment, on participe à plein de manifestations, à plein d'actions. On a l'impression d'être dans un tunnel sans lumière au bout. C'est-à-dire, on fait plein de choses, mais sans savoir exactement ce qu'on construit. Et par moments, plus parce qu'il le faut, plutôt que... en se disant « bon, ça va vraiment servir à quelque chose ». Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé par la suite, c'est-à-dire l'idée d'une stratégie, de voir comment est-ce que les différentes mobilisations peuvent se renforcer les unes les autres, à partir du moment où on a un peu un socle commun pour analyser tout ça, et développer un peu un plan d'action pour voir comment construire un rapport de force sur le long terme là-dessus. L'avantage aussi d'être dans une organisation qui est présente au niveau international dans une cinquantaine de pays, qui s'appelle le Comité pour une internationale ouvrière, on en est la section belge, et ça permet aussi d'avoir une approche internationale et globale par rapport à des problèmes qui sont fondamentalement globaux. L'austérité qu'on subit aujourd'hui en Belgique et qui va continuer à s'amplifier, c'est pas un problème uniquement belge, c'est pas un problème même uniquement européen, c'est un problème qui fait partie d'une crise générale et d'une crise systémique du capitalisme. Il faut avoir des réponses internationales là-dessus, et j'ai pu trouver ça aussi dans le cadre de mon organisation internationale. C'est quoi maintenant, les réponses ? Les réponses, c'est par exemple de se baser essentiellement sur la force du mouvement des travailleurs, c'est-à-dire de ceux qui produisent les richesses, qui par leur méthode de mobilisation de masse, de grève générale, peuvent bloquer l'économie, et ce que j'espère, pouvoir reposer la question un jour de « on a bloqué l'économie, cette grève générale elle dure depuis 2, 3, 4 semaines ». Comme ce qui s'est déjà produit dans le passé. Ici en Belgique, on a eu l'exemple de la grève générale de 60-61, qui a été 5 semaines de grève générale et de lutte extrêmement intense. Ce qu'il faut poser un moment, c'est de dire « Ok, on va relancer les usines, mais cette fois-ci, on va les relancer avec nous. On a occupé les usines, on a fait grève, on a démontré que ceux qui produisent les richesses, c'est nous. Maintenant, on va les refaire repartir sur base de nos propres forces, avec, en les faisant fonctionner de manière démocratique, les comités de lutte, les comités de grève, c'est des comités qui un jour peuvent devenir des comités d'usine et qui vont gérer les entreprises. Et sur cette base-là, on peut construire une nouvelle société où il y aura une réelle démocratie, c'est-à-dire une démocratie économique, où on aura notre mot à dire, non seulement sur les décisions politiques et l'orientation de société, mais aussi sur ce qui est produit, comment est-ce que c'est produit, comment est-ce que c'est réparti dans l'intérêt de la population, de l'environnement, etc. Pour revenir maintenant sur ce que tu dis sur Retrouvailles, c'est vrai qu'ici à Retrouvailles, on est tous avec notre stand dans notre petit coin. Ouais, voilà. Préviens que Retrouvailles, c'est un... Oui, voilà, donc c'est... Pour les gens qui ne connaissent pas. Donc Retrouvailles, c'est, encore une fois, c'est la rencontre des différentes associations liégeoises. Donc c'est 300 associations qui sont ici. On donne peut-être l'impression, de la manière dont c'est organisé, les différents stands, un peu chacun dans leur coin, que c'est très isolé. Maintenant, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas simplement que les gens qui viennent à Retrouvailles et qui passent au stand. Pour les différentes associations, c'est aussi des occasions de rencontre. On a pas mal de gens qui viennent au stand et qui font partie d'autres associations. De la même manière que nous, on va trouver d'autres personnes. C'est l'occasion de faire des rencontres, d'élaborer des projets en commun. Il y a par exemple un tract qu'on a ici pour un meeting le 25 septembre sur la question du traité d'austérité, le traité budgétaire européen, qui est une collaboration commune avec différentes organisations. VEGA, qui est une association qui existe uniquement à Liège, avec des gens de la CSC, de la FGTB de Liège, avec ATTAC Liège, avec d'autres associations. Donc il y a des choses en commun qui se passent. Ça ne se voit pas nécessairement extraordinairement comme ça quand on passe, mais en fait il y a tout un réseau d'associations, de gens qui veulent faire quelque chose. Alors c'est clair que ces collaborations-là, en ce qui nous concerne, elles vont plus être avec des organisations sociales qu'avec un club d'échecs, même si les échecs c'est très bien, mais il y a des choses qui se passent et qui servent aussi à créer un peu des synergies entre les différents mouvements sociaux, avec chacun en respectant nos spécificités, nos approches différentes. On entend souvent le fait que l'unité, ça veut dire de dire tout le temps la même chose, qu'on doit tous mettre notre indépendance, nos spécificités, notre identité de côté autour d'un projet commun. Nous, on pense qu'au contraire, différentes associations, de la même manière que différents partis, différents syndicats, peuvent se mettre ensemble autour d'un projet commun, sur un programme commun, marcher séparément, mais frapper ensemble, en gardant chacun, à côté de ce programme commun, leur spécificité, leur approche programmatique. Comment veux-tu frapper ensemble si chacun marche de son côté, ça va pas. Hein. Bah, quand on dit marcher séparément, on peut marcher séparément, mais aller dans la même direction. Ça, c'est toute cette question-là. Et c'est ce programme et ce plan d'action élaboré en commun qui fait ça. Moi, j'y crois beaucoup. Et en fait, ce qui est clair, c'est que nous, notre force au niveau de la population, c'est notre nombre. Eux, leur force, c'est le chiffre, c'est le capital. La meilleure arme que nous ayons à notre disposition pour pouvoir vraiment créer un rapport de force et changer les choses, c'est la mobilisation des masses, tous ensemble, qu'on soit d'origine belge ou immigrée, hommes, femmes, hétéros, LGBT, jeunes, moins jeunes, pensionnés, chômeurs, travailleurs, dans une usine, dans les services publics, dans des entreprises de services, etc. Si on se met tous ensemble, on peut faire quelque chose. En gardant notre histoire, notre vécu, nos pensées, etc. Et ça fait partie de la discussion sur toute cette stratégie de voir un peu comment, pas à pas, on peut graduellement renforcer les liens entre nous. Et ça, retrouvaille, dans une échelle très modeste, uniquement à Liège et avec les associations, c'est quelque chose qui peut aider à aller dans cette direction-là. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on va mettre en avant et on n'est pas les seuls à défendre ce genre d'optique avec les associations qui sont plus actives sur le terrain social. Et il y en a beaucoup qui se disent, même dans les associations qui sont là et qui sont plutôt des associations institutionnelles, donc qui dépendent de subsides, etc., qui disent, mais finalement, nous, on fait de la gestion de la misère et nous, ce qu'on veut, c'est pas faire de la gestion de la misère, c'est arriver à une situation où la misère, elle n'existe plus. Et qui se disent, voilà, notre mode de fonctionnement avec notre ASBL ou quoi, ben ça a ses limites. On doit réfléchir, nous individuellement, en tant que militants d'une association, comment est-ce qu'on peut participer à d'autres choses pour sortir de ce cadre institutionnel et ne pas être freiné par les institutions, mais au contraire, construire, encore une fois, je vais le dire, mais c'est un terme que j'aime beaucoup, ce rapport de force à la base, dans la rue, sur le terrain, dans le concret, pour réellement pouvoir... oser lutter pour oser vaincre et être capable d'obtenir, de défendre nos acquis actuels déjà et d'en obtenir de nouveaux parce que la société n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui, mais la richesse n'a jamais été concentrée dans si peu de mains. Il y a largement de quoi répondre à toutes les pénuries sociales qu'on trouve dans la société aujourd'hui, mais ça veut dire de se lever, d'arrêter d'être assis dans son bureau d'association, d'aller trouver les gens, de voir comment est-ce qu'on peut les faire rejoindre la lutte. Et pour ça, il faut leur donner une indication. Ça sert à rien de dire aux gens il faut lutter parce qu'il faut. Il faut lutter, oui, et on va discuter de comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on peut commencer en tant que minorité dans la société aujourd'hui, des minorités actives, parce que je crois qu'il y a énormément de gens qui en ont marre aujourd'hui dans la société et qui veulent bouger, mais ils ne savent pas comment bouger. Et on sait tous que les balades entre Bruxelles Nord et Bruxelles Midi, les manifestations syndicales où on va crier un coup et on rentre chez soi le lendemain, quand on dit ça sert à rien, bah oui, effectivement, ça a une utilité limitée. Ce qu'il faut faire, c'est voir comment est-ce que les manifestations, les protestations peuvent être, avoir un échéancier, peuvent commencer à développer quelque chose où on va arrêter d'avoir une manifestation une semaine et puis plus rien et puis une manifestation mois d'après, on va dire non voilà, on va, comme par exemple l'avait fait Nico Cué, le président des métallos de la FGTB il y a un moment, grève générale de 24 heures en janvier, grève générale de 48 heures en avril, grève générale de 72 heures en juin. Il parlait de la lutte contre l'austérité du gouvernement Di Rupo en parlant de ça. Mais en fait, ces trois dates-là, ça permet d'avoir toute une période, de construire un momentum dans lequel on a l'occasion de pouvoir convaincre les gens qui n'étaient pas, participaient pas à la première grève ou à la première manifestation, de leur dire « mais voilà, c'est pas terminé, ça continue et cette fois-là, il faut que tu sois là parce que... » J'entends bien tout, t'as l'air motivé en tout cas, hein. T'y crois et tout ça, quoi. C'est chouette, hein. C'est pas ça, mais moi j'ai l'impression que les manifs, il y en a de moins en moins qui vont les gens, même si c'est la crise, enfin la crise c'est une manière de parler, hein, parce que comme tu dis, les pays, du moins par ici, les pays n'ont jamais été aussi riches, hein, et à faire du profit et compagnie. Mais est-ce que tu trouves pas qu'entre le discours, c'est-à-dire que oui, on aimerait bien ceci et machin, et contre l'austérité, blabli, blabla, t'as pas l'impression qu'il y aurait quelque chose à inventer vraiment, quoi. Même sur la manière d'être en lien avec les gens, de faire un stand, enfin, il y a quelque chose vraiment à inventer, peut-être pas l'austérité. L'austérité, ça veut dire quoi, l'austérité aussi? Parce que enfin, je pose plein de questions à la fois, hein, mais... Oui, tout à fait. Entre la réalité, c'est-à-dire que les gens, ils sont là, moi y compris, je me mets pas en... Parce que dire eux, ou, voilà, nous ne bougeons. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui se fait de manif, à contre-courant d'un système qui est là super puissant. D'ailleurs, tu sais même pas vers qui. C'est qu'il est méchant dans tout ça. Enfin, voilà. Oui. Il y a plusieurs choses, parce que quand tu dis que voilà, dans nos pays, voilà, l'austérité c'est relatif parce qu'on n'a jamais été aussi riche, en fait, on a jamais, l'austérité elle n'est pas là pour tout le monde. La Belgique, en tant qu'unité de production dans le système capitaliste international, est un pays où il y a toujours des profits qui sont faits. Maintenant, cette richesse-là, elle est accaparée par une minorité, par les détenteurs des moyens de production. Moi, les méchants, comme tu dis, je les vois très bien. C'est-à-dire que je ne vais pas les visualiser en tant qu'individu, mais en tant que classe sociale. C'est ceux qui possèdent les moyens de production, qui font travailler les autres et qui utilisent, qui utilisent la richesse qui est produite de cette manière-là à leur avantage uniquement. Un patron, il a besoin de travailleurs. Les travailleurs, ils n'ont pas besoin de patrons. Ça peut paraître très simpliste à dire, mais en tout cas, c'est la réalité. Et quand Attends, tu vas trop vite. Redis ta phrase, là. Que le patron, il a besoin de travailleurs, mais que le travailleur, il n'a pas besoin de patron. Le patron a besoin des travailleurs. Les travailleurs ont besoin d'un patron. Hein. Ben, ça dépend. Moi, quand je regarde ici à Liège le cas d'ArcelorMittal, on a ici une entreprise sidérurgique et on a toute une sidérurgie en Belgique qui est performante, qui pourrait d'ailleurs très bien répondre à beaucoup plus de nécessités sociales. On a le cas de Ford aussi, où il y a eu la fermeture a été énoncée et qui est pas très loin de Liège. Il y aurait tout à fait moyen, si on nationalisait, si on collectivisait ces moyens de production, de produire des transports en commun gratuits. Oui, mais là, on s'égare. La question, c'est de dire. Attends. La question, c'est de dire. Que le patron il a besoin des travailleurs, évidemment, mais les travailleurs ont besoin aussi d'un patron, parce que sinon les travailleurs travailleraient tranquilles, on leur dit qu'il n'y a plus de travail, qu'il faut fermer une usine, pas de problème, de toute façon nous on va travailler, donc c'est pas... Non, c'est pour ça que je prenais cet exemple concret d'ArcelorMittal, c'est parce qu'ici il y a cette entreprise-là qui va être fermée parce qu'un patron, Lagashi Mittal, a envie de faire plus de profits et va détruire une entreprise par ailleurs très rentable et qui pourrait d'ailleurs fonctionner de manière totalement différente. Mittal veut fermer, eh bien ok, cette entreprise-là on va pas la fermer, si Mittal veut partir il n'a qu'à partir, cette entreprise-là on va continuer à la gérer, on va l'occuper. Mais qui dit ça ? Eh bien, je les dis... Les travailleurs alors ? C'est quelque chose à défendre, il y a des choses qui sont venues au niveau syndical sur la question de la nationalisation, hélas c'est resté en termes de mots d'ordre très vague, il n'y a pas un réel rapport de force qui a été construit pour pousser à la nationalisation, c'est-à-dire à la collectivisation de ces moyens-là. Nous on a défendu et on est intervenu dans toutes les manifestations là-bas pour défendre l'occupation des sites de Mittal pour pouvoir déjà avoir un centre de lutte pour tous les travailleurs et poser la question aussi que ces entreprises occupées, ben ok, les travailleurs les occupent et vont pouvoir les relancer, mais les relancer sans patron, c'est-à-dire sans patron privé dans le cadre de la collectivité, avec des gestionnaires qui peuvent être élus par les travailleurs et révocables à tout moment. Il y a des exemples très concrets qui ont été dans cette direction-là, notamment en Argentine après la crise économique de 2001. Je vous conseille d'ailleurs le film The Take de Naomi Klein qui développe différents exemples concrets. Et puis bon, comme c'est un film, c'est très visuel aussi de voir un peu. C'est l'Argentine en même temps. Oui, mais en même temps, quand on regarde la situation maintenant qui se développe au niveau de l'Europe, est-ce que la situation de la crise argentine de 2000-2001 est vraiment éloignée de ce qu'on commence à vivre ici en Europe, avec un taux de chômage chez les jeunes de 63% en Grèce, avec un taux de chômage de plus de 50% aussi chez les jeunes en Espagne, avec un taux de chômage qui n'est pas encore à ce point-là ici en Belgique, mais qui ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, aucun parent ne va mentir à ses enfants en lui disant que si, je termine sur l'idée, que s'il bosse bien à l'école et s'il a un beau diplôme, il va avoir un emploi. C'est plus vrai du tout. Les problèmes sont en train d'arriver et il y a tout à fait moyen de fonctionner. Quand je dis sans patron, ça ne veut pas dire sans responsable et sans organisation, mais avec des entreprises qui appartiennent aux travailleurs et où les travailleurs ont leur mot à dire. Et voilà, moi je trouve, je reviens toujours avec cette même idée, est-ce que tu as déjà par exemple parlé de ces espèces de gens comme ça qui veulent vivre avec pas beaucoup, tu vois, les décroissants, voilà, enfin, tu vois, il y a ça. J'ai entendu parler de ça, mais oui, j'ai perdu mon fil, parce que quand je voulais te parler, t'as dit non, je finis mon idée, du coup j'ai perdu la mienne. Mais voilà, moi je lance l'idée, avec toutes ces idées de travail, de machin, de toute façon du travail, d'abord il n'y en a plus pour tout le monde, et puis le travail c'est quoi? C'est travailler pour les grandes entreprises, je caricature, hein. Donc quelque part, tant mieux qu'il n'y a plus de travail, on est obligé de repenser le monde. Enfin moi, je caricature ma pensée, mais en gros, ça pourrait être ça, tu vois. L'école, ok, tu vas, mais attends, qu'est-ce qu'on te fout dans la tête aussi à l'école? Enfin tu vois, tout est à réinventer, oui, donc c'est pas inintéressant non plus d'être comme ça dans une phase... descendante que vous appelez austérité, que d'autres appellent appelle décroissant. Enfin, tu vois, c'est rigolo d'ailleurs que même dans une société comme ça où il se passe quelque chose, il y a des visions différentes. Oui, bon, bah ça c'est la diversité, ça n'empêche pas de travailler en commun. Maintenant, quand on parle d'austérité, je crois pas que les décroissants, même si je suis pas d'accord avec l'optique des décroissants, considèrent que ce qu'on a maintenant, c'est la décroissance telle qu'ils la veulent. Maintenant, il y a moyen de fonctionner en produisant différemment, de manière plus écologiquement responsable, etc. D'accord. Maintenant, est-ce que les gens qui se retrouvent au chômage, est-ce que les gens qui vont se retrouver à la porte d'Arcelor, de Caterpillar, de Ford, de la multitude d'entreprises où il y a des licenciements collectifs, il y a eu plus de 6000 licenciements collectifs sur les 6 premiers mois de cette année 2013, est-ce que tous ces gens-là vont considérer comme une opportunité de se retrouver dans la merde avec des études à payer pour les enfants qui sont de plus en plus chères, avec des crèches qui sont de moins en moins accessibles et de plus en plus chères aussi, avec Les crèches, il y en a déjà. Les crèches, il y a un réel souci, ça c'est pas. Toutes ces choses-là, toutes ces pénuries sociales-là, à partir du moment où ce serait pris en main par la collectivité et par l'État, si on avait réellement un État qui fonctionnerait en fonction des intérêts de la population, des travailleurs et des pauvres, et pas en fonction des riches comme c'est maintenant, il y aurait moyen de créer un emploi décent dans lequel les gens sont capables de se réaliser et qui répondrait à toutes les pénuries qu'on connaît au niveau du logement social, au niveau des crèches, au niveau de l'enseignement, qui est une situation absolument catastrophique. On en parle beaucoup parce que c'est la rentrée maintenant. Au niveau d'emploi socialement utile, il y a tout un tas d'associations ici qui font un travail que normalement l'État devrait prendre en main et qui doivent, en fait, l'État finalement se base aussi beaucoup sur ces associations qui reprennent quelque chose pour lequel ils sont en faillite, je parle des responsables de l'État, et qui sont repris en main par la population pour pouvoir répondre à ça. Il y a moyen de créer un emploi pour chacun. Et quand tu parles de maintenant les gens, il y a moins de travail, etc., ils vont pouvoir plus réfléchir. On parlait tout à l'heure de mai 68. Mai 68, c'est 10 millions de travailleurs en grève. C'est pas simplement que les étudiants, mais il y a aussi beaucoup de réflexions qui ont été faites sur l'organisation de la vie. C'est une période de plein emploi et pendant lesquelles il y a eu une période révolutionnaire, non seulement en France, parce que c'est une période révolutionnaire, cette période de mai 68, mais également dans tout un tas de pays à travers le monde à ce moment-là. Donc les choses qui se posent maintenant, de tout temps, les gens ont considéré, ont vu qu'il y a un problème au niveau de la société fonctionne. Maintenant, les choses se présentent de manière un peu différente aujourd'hui qu'avant. Tu demandais tantôt, est-ce qu'on ne doit pas réinventer des choses? C'est clair qu'aujourd'hui, avec Internet, etc., il y a plus d'opportunités. Maintenant, il n'y a rien à faire. La meilleure manière d'avoir des acquis, et ça n'a pas changé depuis que ce système existe, c'est par les mobilisations de masse et c'est par un rapport de force à construire sur le terrain. Tous les acquis sociaux qu'on a eus en Belgique, que ce soit la journée des 8 heures, que ce soit le droit de vote des femmes, que ce soit... les allocations de chômage, etc., c'est des choses qui ont été acquises par les luttes, par des gens qui sont rentrés. Rien ne nous a été donné de la part du Parlement ou de la part des riches. On a dû se battre et arracher ces acquis-là. Aujourd'hui, ces méthodes-là, on doit se poser la question aussi de voir que ces méthodes-là, on ne les a pas utilisées sur les 20 dernières années. On a eu un syndicalisme de négociation, de concertation ou de collaboration de classe, on peut l'appeler comme on veut. On n'a eu que des défaites pendant cette période-là. Il faut peut-être en revenir avec ces vieilles méthodes-là, mais les agrémenter à la sauce de ce que permettent les technologies aujourd'hui. Et on a vu avec les mobilisations de masse qui ont commencé en Afrique du Nord, au Moyen-Orient en 2011, comment est-ce que toute une vague de mobilisation a pu s'étendre à l'échelle de la planète avec le mouvement Occupy aux États-Unis, avec le mouvement des indignés en Espagne et en Grèce qui a fait suite aussi à ces révolutions en Tunisie et en Égypte qui ne sont d'ailleurs pas terminées, qui sont toujours en cours. L'information circule plus vite, c'est à saisir, mais il n'y a rien à faire, c'est pas ça qui va remplacer la mobilisation et le rapport de force à construire sur le terrain. Ouais, mais j'entends bien tout ça, mais il n'y a rien à faire, moi je reste avec l'idée. J'entends bien là, les valeurs de travail, t'es quand même pour le travail, l'école, tu restes un peu dans le système qui... Attends, laisse-moi finir. Tu es un peu dans le système qui tombe par terre. À mon avis, tu dois trouver qu'il y a eu des choses bien. Mais par exemple, moi, je ne trouve pas qu'il y a eu des choses bien là-dedans. Par exemple, mai 68, d'accord, je simplifie toujours un peu la pensée. J'aime bien le dire parce qu'on parle vite, on pense vite là. C'est que par exemple, la Belgique, puisqu'on se trouve en Belgique, n'a jamais été aussi riche dans ces années-là aussi. En gros, pourquoi? Attends, parce qu'elle va en Afrique, parce qu'elle va coloniser, parce que blablabla. À ce moment-là, ou même dans les 30 glorieuses, là, tu vois, où c'est le boom économique, où ça marche du tonnerre. Pourquoi? Parce que madame et monsieur ont leur frigo, leur matos, tu vois, le côté matériel qui prend de la place, là, ça, ça fonctionne. Est-ce qu'une société, tu vois, c'est uniquement avoir du travail, pourquoi ? Pour avoir de l'argent, pour pouvoir après consommer. Est-ce que ça, c'est une société ? Ou bien, selon moi, tu vois, j'ai envie de me dire, allez, même si c'est pas facile, même si on va avoir difficile, et peut-être il y aura plus aussi dans ces moments-là, bah, une re-solidarité qui pourrait naître aussi, de se dire on est dans la merde, on se met ensemble, mais on réinvente quelque chose de neuf en disant évidemment qu'on ne réinvente jamais complètement, mais qu'on arrête. Je veux dire, les classes sociales, elles sont là, tu vois, c'est pas depuis maintenant ni depuis hier, ça fait un bail que c'est né tout ça, tu vois. Alors, rêver qu'un monde sans classe sociale demain est possible comme ça, en remettant... Enfin voilà, moi je me dis, allez, tout est par terre, et encore tout n'est pas par terre, mais c'est la merde vraiment là, pour tout ce qui est social, l'éducation, les machins, les bazars, ben, j'accepte pour pouvoir réimaginer autre chose, quoi. Tu vois l'idée ? D'accord, mais moi je suis d'accord avec l'imagination, sauf que l'imagination, ça permet pas de manger. Et que quand on regarde la situation en Grèce, là ils sont vraiment dans la merde, mais faute d'alternative... Oui, on n'est pas, pas en Grèce, là. Restons en Belgique, parce qu'évidemment il y a plein... en Belgique, il y aurait un mouvement comme ça, je suis sûr qu'il y aurait... Enfin voilà, il y a quelque chose qui se passe... Il n'y a rien qui se passe de fort pour le moment en Belgique. C'est en préparation, parce qu'effectivement, il y a les différents pays et les différents mouvements sociaux ont leurs histoires, ont leurs forces dans des... et l'évolution est de manière différente. Maintenant, le processus est quand même globalement le même. La crise s'approfondit, le taux de pauvreté augmente, et ça, c'est une question qui se pose en Belgique comme dans d'autres pays. Et quand tu dis, ben voilà, maintenant ça va être la merde et les gens vont pouvoir réinventer des trucs, moi je vois qu'en Grèce, là où c'est vraiment la merde, ce qui s'est produit, c'est que ça a aussi laissé l'ouverture à des forces comme Aube Dorée. Et moi, je vois la situation en Grèce comme étant quelque part un peu le futur d'ici en Belgique, si jamais on ne fait rien pour pouvoir s'organiser, pour construire un rapport de force pour aller vers une société différente. Et quand tu parles de l'emploi, etc., tu sais, c'est comme un couteau, ça peut servir à tuer quelqu'un ou à découper ton steak. Quand on parle de l'emploi ou de l'enseignement... Ça dépend à qui tu parles, hein, parce qu'il y en a qui mangent même plus de viande. Ben voilà. Tu peux en dégoûter certains quand tu dis ça, tu te rends même pas compte. Ou ça, non, mais faisons avec la diversité de notre société aussi. La diversité, ce que je voulais dire à ce moment-là, c'était pas un plaidoyer pour manger tous de la viande, c'était avant tout la question de l'outil. Mais la question de l'emploi, quand on pose la question de défendre un emploi décent pour tous, derrière cette question de décent, et ce que je disais tantôt, avec les emplois qu'il y a moyen de faire au niveau de tout ce qui est au niveau de l'enseignement, et ça veut dire penser à un autre enseignement que l'enseignement actuel, qui est aujourd'hui de plus en plus un enseignement qui sert à construire des, en fait, ce dont les entreprises et ce dont le secteur privé a besoin, et qui sert pas du tout à préparer les jeunes à affronter la vie, à avoir une éducation de vie, à pouvoir s'en sortir, se débrouiller, à pouvoir s'épanouir dans la société. Ça, c'est pas le but de l'enseignement dans une société capitaliste. Ce qui a jeté, c'est pas l'enseignement, c'est l'enseignement tel qu'il est organisé aujourd'hui. Pareil au niveau de l'emploi et du travail, ce qui a jeté, c'est pas la notion d'emploi ou de travail. Moi, je me réalise par... et tout un tas de gens se réalisent par leur travail, par les rencontres qu'ils font avec leurs collègues, par ce qu'ils font de leurs mains, de leur cerveau, etc. Maintenant, la question, c'est de voir qu'effectivement, il y a tout un tas d'emploi dégueulasse, on peut pas se réaliser en travaillant au McDo, mais ça c'est à reconstruire, c'est à détruire ce type d'emploi précaire, flexible, qui sont totalement aliénants, qui sont absolument abrutissants, mais c'est pas la question de l'emploi qui est le problème, c'est la manière dont l'emploi est géré aujourd'hui. Et mais quand... travailler à l'usine, c'est pas non plus travailler à l'usine, je veux dire pour les gros patrons, pour qui, enfin tu vois, c'est pas non plus intéressant comme boulot, quoi. Non, mais bon, les grands patrons, j'ai pas trop envie de leur demander leur avis. Ce que j'ai envie de voir, c'est au niveau de toutes les... Quand tu vas discuter, et on a fait pas mal de ça avec les travailleurs d'ArcelorMittal, il y en a pas mal, même si c'est un travail très dur, etc., qui ont la fierté de ce qu'ils font, qui sont contents de ce qu'ils font. Oui, mais c'est vieux. J'entends bien, mais c'est des vieilles idées, ça. Je veux dire, même quand notre génération ou la génération qui se dit « Tu vas aller travailler à l'usine, gars ou fille Ils n'ont pas envie, moment, quoi. À partir du moment où, je crois qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, à partir du moment où ça pourrait déjà garantir un salaire qu'il le ferait, et à partir du moment, encore une fois, je reviens sur cette idée où ce serait géré par les travailleurs organisés autrement, oui, parce que c'est une technologie qui n'est pas vieillotte, il y a moyen de faire énormément de choses au niveau du recyclage de l'acier, au niveau de... On a toujours besoin d'acier quand on parle de construire de nouvelles écoles, de nouvelles crèches, etc., on aura besoin d'acier, c'est juste un exemple, c'est parce qu'on est à Liège, et qu'ArcelorMittal, c'est quelque quelque chose qui est un sujet de discussion avec tout le monde. Et quand on va discuter avec les gens ici, parce qu'on ne reste pas simplement derrière notre stand, on va trouver les gens avec notre acte, avec notre journal, c'est une multitude de dialogues qui s'enclenchent de cette manière-là. Et il n'y a rien qui peut remplacer le fait d'aller trouver physiquement les gens et d'aller les pousser à discuter de cette manière-là. Ça, c'est quelque chose qu'un site internet ne pourra jamais faire, d'avoir ce rapport-là. Quand on discute avec eux, quand on discute de ça, il y a tout un tas de gens qui se disent « Ben oui, moi je veux bien le travail, mais de cette manière-là, c'est pas possible. » Effectivement, de cette manière-là, c'est pas possible. Avec la flexibilité qui augmente, avec la charge de travail qui augmente, et qui se répercute avec le nombre de burn-out, le nombre de dépressions, le nombre de barbituriques qui sont consommés par les travailleurs. On est un pays très productif en Belgique. On est aussi parmi les premiers consommateurs de calmants et de barbituriques au monde. Il y a une corrélation évidente à avoir à ce niveau-là. Donc voilà, tout ça effectivement, il faut absolument changer. Mais oui, je trouve qu'on se réalise par le travail, mais ça veut dire un vrai travail dans lequel on peut s'épanouir et qui doit être organisé de manière totalement différente. Je pense pas que... Et alors quand on parle de la question de l'emploi, du travail, ça peut être des choses très diversifiées, d'autant plus qu'aujourd'hui, et c'est la seule manière d'ailleurs de répondre à la question du chômage, on pourrait tout à fait réduire le temps de travail de chacun à quelques heures... Allez, par jour, tout à fait. Il y a des économistes, même de droite, qui ont mis en avant qu'avec la technologie actuelle et ce qui est disponible en tant que main-d'œuvre, il y a moyen de travailler 4 ou 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Et il y a tout à fait moyen de fonctionner comme ça, et même de ne pas diminuer les salaires, parce qu'il suffit de prendre l'argent qu'on donne aujourd'hui aux actionnaires et de pouvoir l'utiliser de cette manière-là, ça laissera beaucoup plus d'espace aussi aux gens pour se réaliser personnellement au niveau des arts, de la vie familiale, au niveau aussi de l'implication dans la vie de la collectivité et dans la vie politique, parce qu'il y a tout un tas de gens aujourd'hui qui, en fait, ont envie de lutter, mais qui ne vont pas commencer à s'engager tout de suite, parce qu'avec le boulot, avec la famille, etc., ce n'est pas nécessairement toujours possible. Il y a moyen de créer quelque chose d'autre, sur cette base-là, mais nécessite fondamentalement un changement profond de société et s'en prendre à la clé du système, c'est-à-dire à la propriété privée des moyens de production. Il faut collectiviser et nationaliser sous contrôle démocratique des travailleurs et des usagers les secteurs clés de l'économie, et quand je dis les mettre sous le contrôle et la gestion de la population, ça veut dire aussi de décider de la manière dont les choses sont produites, avec quel rythme de travail, etc., et ça laissera beaucoup plus d'opportunités aux gens pour faire, pour aménager la vie comme ils le souhaitent. Moi, je ne crois pas il y a plein de décroissants que je connais qui sont très sympathiques, mais je ne crois pas du tout que c'est en essayant de se serrer volontairement la ceinture et d'essayer de changer les choses au niveau de la consommation. Je dis pas que c'est toi qui dis ça. Non, j'ai jamais dit que tu disais ça, mais par exemple, tu n'es pas obligé de te serrer la ceinture. Hein, je veux dire, on te gave. Que ce soit la publicité, la télé, les gens, on est gavé, il y a dans les poubelles, enfin, c'est trop. Il n'y a même pas besoin de se serrer la ceinture, tu fais juste gaffe à ne pas consommer comme des malades, quoi. C'est différent. C'est pas se faire du mal. Il y a énormément de gens aujourd'hui qui sont de toute manière, qui n'ont déjà pas assez pour survivre. Aujourd'hui, même quelqu'un, une mère célibataire par exemple, qui a un salaire de 1200 euros par mois, il ne faut pas me faire croire qu'elle va gaspiller son argent tous les mois. Mais... Ouais, parce que le loyer est super cher et que la bouffe est super chère. Le loyer est super cher parce que l'électricité est super chère, parce que le gaz est cher, parce que l'enseignement est cher, pour toutes ces raisons-là. Et c'est ces problèmes-là qu'il faut prendre à bras-le-corps, c'est ces problèmes-là qu'il faut résoudre. Moi, je te parle quand je te parle de... Enfin, c'est toi qui m'as parlé ça, de décroissance, tu prends l'exemple de se serrer la ceinture. Regarde comment on vit, je veux dire, t'as un nouveau t-shirt, enfin... Oui, j'ai un t-shirt, je suis pas tout nu. Non, mais m'amuser, un truc usé, tu vois, un froc un peu usé, des chaussures un peu vieilles. Regarde comment on achète, il n'y a pas besoin de prendre l'exemple de la mère de famille qui... Je vais prendre un autre exemple par rapport à ça. Moi, j'habite Droix, qui est un quartier très, très pauvre et très populaire à Liège. Moi, je ne vais pas aller trouver un adolescent qui vient de dépenser des sommes extraordinaires pour avoir son iPhone, des belles baskets et des belles fringues, parce que pour lui, quand il va sortir du quartier, c'est sa manière de pouvoir sortir de sa condition sociale. Alors tu peux dire qu'il n'a pas besoin de ça, mais c'est la pression de la société aujourd'hui. Mauvais exemple. Tu prends toujours le contre-exemple. Non, attends. C'est pas du tout un mauvais exemple, c'est un exemple concret de la situation. Ouais, moi, je te dis, c'est un mauvais exemple. Le petit mec qui vit dans son quartier, qui est déjà difficile, c'est un mauvais exemple. Je veux dire, regarde la masse en général, il n'y a pas besoin d'aller prendre la pauvre mère de famille qui essaie de joindre les deux bouts, ou bien le pauvre mec qui vit dans son quartier qui a à peine à bouffer. Attends, je finis, après je t'écoute. Regarde la masse en général, hein, il n'y a pas que moi qui le dis, la masse Elle porte un nom d'ailleurs, les classes moyennes là, je veux dire, on n'est plus à... Je veux dire, en gros, tout le monde a des téléphones qui coûtent la peau du cul, a des PC. Ça devient une minorité, les gens qui ont pas le bazar. Je ne sais pas, écoute-moi, à être ici et à discuter avec toutes les personnes qui passent devant le stand, et avec toutes les activités, etc. Et l'air de rien, quand je discute avec les gens, j'ai quand même l'impression que les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui éprouvent des difficultés, alors ce qu'on entend par difficulté, ça peut varier. Ou joindre les deux bouts. Ou même joindre les deux bouts, mais c'est quand même une majorité. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Ouais. Voilà, ce qui peut nous rejoindre, c'est le fait de changer de système, ça c'est clair. On est au même, mais peut-être pas de la même manière, quoi. Voilà, c'est ça. Et ce que je propose, c'est vraiment de regarder à des choses qui ne sont pas du domaine d'imaginer la vie autrement, etc., mais de simplement regarder dans quel système on vit, quels sont ses points forts, ses faiblesses, et de construire sur base de nos points forts pour attaquer les points faibles du système, et en fait réfléchir en termes d'efficacité de méthode et pas en termes de beauté du geste ou de l'activité quotidienne. Là, je te reprends. Quand tu parles d'imaginer, tu vois, ça fait un peu comme si j'étais là. Attends, imaginer un autre monde possible, ça veut dire le penser, le réfléchir. Ça ne veut pas dire simplement, mais c'est imaginer. C'est imaginer autre chose que ce qu'on t'a donné tout petit dans la bouche quand tu es tout petit, quoi. Donc, c'est pas simplement rêver, c'est réfléchir, penser, conscientiser le fait que peut-être le travail aujourd'hui, c'est compliqué. Parce que vous, c'est quand même une de vos valeurs, le travail, les métallos, machin, bazar. Moi, je suis profondément avec les métallos. Hein. Je trouve ça dégueulasse. J'en ai entendu plein à la radio qui... Enfin voilà, ils sont là, ils ont plus de boulot, là. Comment ils vont faire pour vivre, leur famille, leur machin. Mais le problème, ce n'est pas de... Le problème, c'est les gens au-dessus. Là, on se rejoint aussi, peut-être. C'est les gens au-dessus qui créent des lois qui fait qu'on n'en a rien à foutre de la personne humaine. Voilà. Ça, on est d'accord. Et c'est une belle conclusion. Ok. Merci. Je t'en Allez, rencontre ici, je vous laisse vous présenter, je lis derrière, concertation des usagers en santé mentale. Ouh là là, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, bonjour, Jean-Paul Noël, membre de Citoyens, c'est le nom de l'association, c'est en fait la concertation des usagers en santé mentale. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes dont on a supprimé pendant bien trop longtemps la parole, et nous voulons leur donner la parole. En parallèle à ça, nous existons depuis 10 ans. On a formé des groupes de parole pour aider les usagers entre eux, savoir qu'ils ne sont pas seuls, s'aider l'un l'autre, petits trucs et astuces, c'est thérapeutique en soi. Alors, peu de temps après, on a formé des groupes de réflexion sur tout le domaine de la justice, réflexion sur la gestion autonome des médicaments. Et nous avons la chance depuis quelques années d'être mandatés par le ministère de la Santé pour émettre des recommandations chaque année sur des projets relativement précis, enfin cadrés, et même d'autres qui restent en cours. On remet des recommandations chaque année, par exemple sur le groupe justice, en espérant que les choses changent. Et alors, ce qui est de très bien, on commence à être reconnu et entendu par les pouvoirs publics. Waouh, c'est génial ça, d'être reconnu et entendu. Mais c'est clair, c'est toujours comme ça, hein. Enfin, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire que c'est d'une évidence pour vous, mais rappelez la base, vous vous adressez à qui? Parce que là, j'ai pas compris, en fait, parce qu'on... Si, expliquez un peu avec qui vous travaillez, quel genre de personne, parce que je comprends pas bien. Ok, c'est normal, j'ai certainement un peu, comme tous les initiés, on oublie de vulgariser. Donc, déjà le nom, Psy-toyen, pour nous, il parle. Si, parce que ce sont les citoyens qui malheureusement ont une souffrance psychique, psychologique ou psychiatrique. Tous les gens alors? Pratiquement tout le monde. Je veux dire, les souffrances, on ne sait pas les enlever de la nature humaine, quoi. J'aurais envie de dire ça, mais ce n'est peut-être pas forcément ouvert à tous les gens. Ce n'est pas ouvert à tous les gens, mais effectivement, il faut savoir que statistiquement, selon les chiffres de l'OMS, 30 à 40% de l'humanité, pas seulement dans nos pays riches, souffrent de troubles psychologiques à un moment donné de leur vie. Pas nécessairement eux-mêmes, mais ça peut être une dépression induite par un deuil, une dépression induite, chez nous, le burn-out, un peu moins l'équivalent du burn-out dans les pays qu'on disait du tiers-monde. Ben, là, c'est la souffrance, la recherche de bouffer, pour le dire platement. Et je trouve que citoyen, c'est vraiment bien porté le nom, parce que nous autres, en tant que professionnels, on écoute les usagers. Donc c'est usagers, toutes personnes qui sont reconnues comme avoir eu des troubles et qui ont été dans des services de santé mentale, dans des cliniques, dans les habitations protégées, etc. Et c'est un combat difficile pour faire entendre cette parole, parce qu'on ne parle, prenons celle la plus connue, la plus effrayante de pathologie, la schizophrénie. Quand est-ce qu'on en parle dans les radios et la TV quand il y a un drame ? Alors que la dangerosité d'un malade mental est bien moindre que les autres, puisqu'il y a 1% de schizophrènes dans l'humanité, 3 à 4% de troubles bipolaires. Si on estime qu'ils ne sont pas plus dangereux que les autres, ça ne fait quand même que 4% de la population, donc 96% de chances en moins d'être agressé par un malade mental que par le commun du mortel, qu'il est peut-être, parce que nous le sommes tous peut-être un petit peu. Donc c'est une super initiative, je trouve, que d'ouvrir ouvrir sa porte pour écouter ces gens-là. Et comment ça se passe concrètement, en fait ? Qui a eu cette idée ? Pour l'idée, c'est parti. Je n'étais pas dans les fondateurs, mais c'est notamment Pascal Colson, qui est notre président, qui est une personne qui a un parcours psychiatrique difficile, qui est relativement bien rétabli, très volontaire. Pascal le ou Pascal ? C'est un garçon, c'est Pascal. Pascal Colson. Et avec François Wingarden, qui est maintenant chercheur à l'Université de Louvain, ils ont créé, et quelques amis, citoyens, il y a une dizaine d'années. Il y a 10 ans exactement. Moi, j'ai intégré j'ai d'abord intégré une autre association dont je ne parlerai très peu aujourd'hui, puisque je suis ici en tant que citoyen et psychose, mais je fais également partie de Similes, qui veut dire semblable. Et là, c'est une association de parents et proches d'enfants souffrant de troubles psychiatriques. Et c'est par là que j'ai connu Citoyen, en faisant un travail qui s'appelait les projets thérapeutiques, qui a commencé, si je ne m'abuse, en 2007. Et dans la suite de ces projets thérapeutiques, nous entrons dans la grande réforme de la santé mentale, qui est normalement, qui se met en place dans toute l'Europe. En Belgique, on a commencé, on appelle ça le projet 107, entre initiés. Donc la grande réforme de la santé mentale s'appelle le projet 107. Et ça veut dire quoi, le projet 107 ? C'est le numéro d'article ? C'est le numéro d'article, parce que c'est la loi de la réforme du projet 107. Tout simplement, par commodité, tout le monde dit, on ne dit même plus projet, on dit le 107. Comme ça arrive souvent. Et voilà, donc je passe sur Similes. Similes s'expliquera bien lui-même. Aujourd'hui, je n'ai pas cette casquette. Et parallèlement, à l'initiative de Citoyen, qui est quand même une fédération d'associations de santé mentale, on est une quinzaine actuellement, à un moment donné, on m'a demandé de créer encore une association, mais sur la région de Verviers, si ça manquait. Et alors, dans celle-là, j'ai eu l'idée d'intégrer non seulement la maladie mentale, pas seulement les usagers, puisqu'il y a Similes pour les parents, il y a Citoyens pour les usagers eux-mêmes. Et moi, j'ai voulu regrouper le tout en y ajoutant le trouble sensoriel. La personne non-voyante, malvoyante, malentendante, sourde, etc. Mais là, nous en sommes à nos débuts. Et je tiens à signaler que dans ce cadre, nous initions donc Psychose avec l'université psychologique et logopédique de l'université de Liège. Nous allons faire un groupe d'entendeurs de voix. Qu'est-ce qu'un entendeur de voix, suivant cette philosophie, cette approche ? C'est qu'il n'y a pas que les schizophrènes qui entendent des voix. Ça peut être d'autres personnes. Le commun des mortels entend à un moment donné des voix. Ce ne sont pas tout à fait des voix aussi positives ou négatives, mais nous allons faire un groupe d'une quinzaine de personnes qui nous permettra d'évoluer. D'abord, le bienfait de la rencontre du groupe de gens qui souffrent d'une pathologie très spécifique, et en même temps, on y inclura des formations pour les aider à progresser, pour aider ces personnes. Et en Belgique, ça ne s'est pas encore fait. Ce sera une première. C'est-à-dire que ce groupe entendeur de voix, ça n'existe pas en Belgique. Ça a démarré surtout ici en Europe par, j'ai oublié son nom, un Hollandais, il y a une vingtaine d'années, qui va être invité à une conférence, je n'ai pas la date en tête, je n'ai pas préparé l'interview, justement pour inviter les Français, enfin tous ceux qui veulent venir de l'Europe, pour parler du problème des entendeurs de voix, que ce n'est pas nécessairement une pathologie psychiatrique. J'adore, parce que ouais, non, moi ça me fait ça. Ça fait écho en moi avec les gens qui entendaient des voix comme... comment elle s'appelle encore cette femme ? Jeanne d'Arc, et puis toutes des gonzesses un peu en rapport avec Dieu et compagnie. Oui, ça me fait rigoler, ça me fait penser à ça, entendeur de voix. Mais et comment ça se passe concrètement ? Parce que vous m'aviez aussi parlé d'un café-rencontre. Comment ça se passe en fait ? Mais pour le café-rencontre, nous avons aussi cette activité une fois par mois à Bruxelles, près de la place, rue du Marché au Charbon, on tient ce qu'on a appelé un cause café, parce que là, l'objectif n'est pas d'émettre des recommandations, c'est un débat libre, mais sur un thème défini. Genre, quel thème ? Ben, le thème peut être quel avenir, quand on a un passé psychiatrique, dans la recherche d'emploi, par exemple. Ça peut être l'accès au logement, aussi, très difficile. L'accès au crédit, très difficile aussi. Et d'autres choses, on a des thèmes, qu'est-ce qu'on pourrait mettre par exemple, améliorer la défense sociale. On définit chaque fois les thèmes pour un an, et vient qui veut, quand il veut, c'est tout à fait libre. Mais malgré tout, nous autres, en tant que rapporteurs, ça nous amène inévitablement des idées qui nous permettront de faire des groupes de travail complémentaires pour émettre de nouvelles recommandations. C'est une bonne idée, ça. Et quoi, il y a du monde ou bien pour le moment c'est coussi-coussa ? En termes de monde, ça varie entre 6-7 personnes et une vingtaine. Et ça commence à être connu parce que pas mal d'associations et même des services de santé mentale commencent à envoyer des gens chez nous pour cette activité, je ne dirais pas récréative, mais très, très agréable, très, très cool puisque nous sommes entre nous. Ouais, mais c'est marrant parce que enfin, je réagis là, je sors un petit peu du propos. Mais quand vous dites que c'est cool, mais pourquoi pas, je veux dire, de créer des espaces comme ça où il y a des choses super intéressantes qui se font. C'est pas parce que c'est ambiance décontractée qu'il n'y a pas des choses intelligentes et profondes qui se font, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si vous minimisiez un peu le... Mais c'est génial ce projet, en fait. Oui, mais je trouve ça génial aussi. Si j'ai dit cool, etc., que ça peut être interprété d'une autre manière. Non, c'est effectivement très riche. C'est l'équivalent de l'arbre à palabres chez les Africains. Donc il y a une énorme sagesse qui peut sortir de ça, des idées nouvelles. Ne dit-on pas, c'est un sorcier africain du Kassai qui m'a dit ça, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. C'est une belle expression, elle a peut-être été reprise par d'autres, mais enfin c'est la première fois que j'ai entendu lors d'un voyage au Kassai en 2005. Pour le compte aussi d'une possibilité d'améliorer le sort des enfants sorciers, etc. Mais là, ce sera un autre sujet, c'est un autre parcours, c'est un autre combat. Est-ce que vous pouvez donner l'adresse exacte où se font ces causeries, là, auprès du marché au charbon, si j'ai bien compris ? Je vais redonner l'adresse, c'est à Bruxelles, près de la Grand Place, rue du Marché au Charbon, à la maison Arc-en-Ciel, exactement. Et ça se déroule tous les derniers vendredis de chaque mois, de 15 à 16 heures, on déborde souvent. Un site ? Oui, on va donner sur notre site internet, on trouve tous ces renseignements. Le site internet ? Voilà le site, citoyen.be. Tout simplement. Voilà, avec ça, il y a déjà moyen de trouver des infos par rapport à tout ce que vous venez de nous dire. Sur le site internet, en plus de quelques infos que je viens donner comme ça un peu pêle-mêle, il y a tous les programmes et même les objectifs et surtout quelque chose de très parlant, des témoignages. Des témoignages personnels d'un parcours particulier. Ok, bien. Quelque chose à rajouter spontanément sur tout ça ? Oui, pour rajouter, c'est que nous avons mis aussi des références d'autres groupements qui travaillent dans le social et la santé mentale. Et tant que je suis ici à Liège, il y a un très bel instrument de la province de Liège et le site s'appelle Alice, A-L-I-2-S.be. Un très bel instrument. Oui, voilà, c'est un instrument de musique. Hein. Non, un très bel instrument dans le sens ils ont répertorié toutes les ASBL de la province de Liège, mais pas seulement santé mentale, toutes les ASBL du club de pétanque à la grosse ASBL. C'est un très bel instrument. Merci. Radia sur les Françaises. À peine débarquées en France, les GI se sont laissées aller au pire débordement sexuel, endommageant durablement les relations franco-américaines. On se réconcilia un peu en désignant un bouc émissaire, le soldat noir. Ici, c'est un bouquin en fait, « Ce que font les soldats » par Marie-Louise Roberts. Je vous raconte un peu. Les GIs blonds qui embrassaient les enfants et déversaient sur la France tout juste libérée les splendeurs de la logistique américaine, notamment les 4C, chocolat, cigarette, chewing-gum et Coca-Cola, voilà l'endroit du décor. Mais il y a un envers. Les mêmes GIs embrassaient aussi les mamans. Le débarquement avait en effet déclenché au débouché des plages normandes un tsunami de luxure, écrit l'auteur de ce livre fascinant mais controversé. Les éditeurs américains ont rechigné à le publier. Marie-Louise Roberts y postule, en effet, que le sexe a joué un rôle central dans l'histoire de la puissance américaine après la Seconde Guerre mondiale, explique Fiona Reid dans le Times Higher Education. Excusez pour mon English qui est vraiment naze. Non seulement l'opération de Normandie avait été présentée aux GIs comme une aventure érotique, où les survivants du débarquement recevraient en butin les corps des Françaises, continue-t-elle, mais ces contacts sexuels ont déterminé dans une large mesure les relations de puissance dans le nouvel ordre de l'après-guerre. Je ne pouvais croire ce que j'avais devant les yeux, s'est pourtant exclamé l'auteur, en découvrant dans les archives de l'armée américaine un gisement d'informations que les spécialistes d'histoire militaire, dit-elle, ont choisi d'ignorer à leurs propres dépens. Lourde erreur qui les a fait passer à côté de confondantes révélations. Les soldats américains avaient, en débarquant, une certaine vision de la France héritée de leur père déjà venu en 1917, celle d'un monumental bordel peuplé de 40 millions de jouisseurs, d'après Life Magazine, qui précisait que les phrases clés d'un guide de conversation pour GI, c'était « Vous êtes très jolie » et « Vos parents sont-ils à la maison ?» Les troupes américaines ont effectivement été accueillies en cet été 1944 à bras très ouverts par des épouses dont l'homme était absent ou trop occupé à tondre les filles, ce qui a vite conforté les GIs dans leur vision peu flatteuse du mâle français. Une chiffre molle, contraint, écrit l'auteur, d'opprimer les femmes pour réaffirmer la virilité dont les Allemands l'avaient privée. Les Françaises, quant à elles, étaient perçues comme dépravées, hypersexuelles et surtout vénales. La prostitution faisait rage et les journaux militaires publiaient les tarifs conseillés. Le phénomène a eu de vraies conséquences géopolitiques. Les libérateurs, sidérés par l'arriération matérielle des paysans français, après 4 ans de guerre tout de même, et remplis de dédain pour les Françaises et leurs complaisants compagnons, ont commencé à se comporter comme en territoire conquis, c'est-à-dire comme en Italie. Ils n'avaient aucun respect pour les civils, et au Havre, par exemple, forniquait allègrement au vu de tous, dans les parcs et dans la rue. Le maire s'en plaignait régulièrement au commandement, qui ne daignait pas répondre. Au contraire, les Américains hésitaient à confier les rênes aux autorités françaises, qui leur paraissaient incapables de contrôler une population qui se repaissait de vengeance, les hommes, ou se livrait à la prostitution, les femmes. C'est De Gaulle, comme on le sait, qui a réussi au prix d'une rude bataille à récupérer le pouvoir administratif, restaurant du même coup la fierté masculine et nationale du français. mais ces humiliations d'ordre intime, venant juste après les terribles bombardements alliés, ont provoqué dans la population un ressentiment durable. La source, suggère l'auteur, de l'anti-américanisme des années 50. L'armée américaine n'a commencé à s'émouvoir que lorsque le nombre de maladies vénériennes a explosé, menaçant la capacité de combattre des troupes. Mais là encore, c'est sur la contaminatrice qu'a pesé l'opprobre, et les autorités françaises ont été sommées, en pure perte, de gérer le problème. Du coup, la prude Amérique a dû inventer des solutions ad hoc. La distribution de préservatifs, dont les GI se servirent surtout pour protéger la crosse de leurs fusils, l'obligation faite aux soldats imprudents de s'injecter en public un désinfectant dans l'urètre et l'ouverture de bordels militaires clean, tollés des Américaines. Pire, la France a été ravagée en 1945-46 par une épidémie de viol telle qu'il n'était pas rare d'entendre dire « sous les Allemands, il fallait cacher les hommes, sous les Américains, les femmes ». Mais cette fois, le commandement n'a pas réagi de façon asymétrique. Il a condamné plus d'une centaine de soldats violeurs à la prison à vie, voire à la pendaison publique. Dans 77% des cas, les coupables étaient noirs. Non seulement les GI Jody, le soldat afro-américain, c'est comme ça qu'on disait, les GI Jody, subissaient en France la même ségrégation qu'au pays. Il était confiné aux tâches subalternes. Mais il y faisait les frais d'une justice tout aussi expéditive et raciste que dans le Deep South. Car même si la victime était une Française, c'était tout de même une blanche. Les dites françaises n'ont pas peu contribué à ces dénis de justice, en offrant des témoignages biaisés. Probablement, postule hardiment Jennifer Chesler dans le New York Times, pas besoin de projeter les humiliations de l'occupation sur un tiers, d'une autre race. C'est donc sur le dos du soldat noir, bouc émissaire idéal des Américains comme des Français, que s'effectua in fine une certaine réconciliation franco-américaine. Voilà, bouquin « Ce que font les soldats » par Marie-Louise Roberts.